donc un peu les filles. Allez, on va faire ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG pour suivre l'émission Johnny de A à Z. Et nous en sommes à la 479e émission ici sur RIG. Mais ce n'est pas tout, nous sommes le premier mercredi du mois. Donc, qui dit premier mercredi du mois dit Johnny de A à Z en live. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Oui, oui, calmez-vous le public, calmez-vous, je n'entends que vous. On va passer 2 heures d'émission Johnny de A à Z entièrement en live. Et consacré à quoi, dites, vous allez me dire. À quoi? Vient de sortir le 28 janvier le livre disque Vie, sous différents formats, en vinyle, en CD et tout ça. Et je vous propose ce soir de découvrir le live de Cambrai du 4 septembre 1970. Et pour la petite histoire, nous sommes donc en 1970 et du 4 juillet au 16 août, voici venir la traditionnelle tournée d'été. Elle en sera une fois de plus Johnny Hallyday et ses hommes sur les routes de France. Et comme le dit le programme de l'époque, le chanteur choisira ses chansons parmi Ceux que l'amour a blessé, Que je t'aime, Voyage au pays des vivants, Je te veux, Rivière ouvre ton lit, Regarde pour moi, Je n'ai besoin de personne, Je suis né dans la rue, Cours plus vite Charlie, À tout casser, J'ai peur, Je t'aime, et Mal, et Si tu pars. Un listing auquel on s'empressera d'ajouter l'inévitable Jésus-Christ. Comme on peut le constater, la setlist est encore très proche de celle du Palais des Sports de 1969. Comme toujours, ce tour 1970 alterne les villages. Les villes moyennes, Pertuis, Berck, Laon, Thonon-les-Bains, et les métropoles plus importantes, dotées de vastes structures comme les arènes d'Arles, oui, ou encore celle de Béziers. L'immense hall de la foire au vin de Colmar, ou le bouillonnant rendez-vous sur la plage de Port-Bacarès le 7 août. Prestation diffusée à l'époque par Europe 1 dans l'émission Campus, présentée par Michel Lancelot, mais enregistrement aujourd'hui disparu des archives de la radio. On retrouvera toujours ce petit CD pirate avec une superbe version de J'ai peur, je t'aime. Et la tournée connaît un ultime moment de délire à Cambrai le 4 septembre pour la kermesse de la bêtise. La bêtise, vous savez, le petit bonbon, hein, oui, bien sûr. Et depuis les années 50, une gigantesque foire marquera la fin de l'été dans cette sous-préfecture d'environ de 50 000 âmes. À partir de 1966, l'événement commercial est prolongé chaque soir par un show donné sous un chapiteau gigantesque qui peut admettre jusqu'à 10 000 personnes. Invité une première fois en 1967, de retour en 1969, le rocker va délivrer un show littéralement hanté, comme on peut l'entendre sur le CD qu'on retrouve dans l'album, dans le coffret, le livre disque Vie. Et c'est du grand Johnny Hallyday et un public chauffé à blanc, comme le note le journaliste de La Voix du Nord, manifestement impressionné par ce déluge de son et de lumière. Comme je vous ai dit, on va retrouver tous les extraits de ce live de Cambrai du 4 septembre 1970, mais vous allez me dire, on peut pas faire 2 heures avec ce live-là. Eh ben non, mais moi je vais vous rajouter quelques extraits donc du Port-Bacarès de 1969 et non pas de 1970. Johnny Hallyday au Québec le 3 décembre 1970. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore? Un extrait encore du Palais des Sports de 1969, puisque la setlist était pratiquement la même. Et puis voilà, et puis Johnny va rajouter au fur et à mesure de la tournée 70, vers l'hiver, des extraits de l'album Vie qu'on entendra au cours de cette soirée Johnny de A à Z. Êtes-vous prêts pour suivre tout de suite ce live démentiel, gigantesque, Johnny Hallyday en grande forme, un public surchauffé, un concert dynamique avec des solos de guitare à vous faire tomber par terre grâce à Rolling et encore à Mickey Jones? Voici tout de suite le concert de Cambrai, le concert live ici sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Bonne émission à tous. toutes et à tous. Alexandre et Charlie avaient déjà son voisin Jean. Nos amants se voient la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course ou à travers tout le pays. Celui de nous deux qui gagnera épousera Lucie. À double vie Charlie et tu gagneras. Ne te retourne pas. À double vie Charlie et tu gagneras. Ou la prise sera pour toi. Qui attirait les regards. Il croyait bien que son argent achète de l'amour. Il avait déjà ouvert à l'époque de son palais pour recevoir les jolies yeux verts de mademoiselle Lucie. À double vie Charlie, il te gagnera. Ne te retourne pas. Double vie Charlie, il te gagnera. La fille sera pour toi. Julien Hallyday à Cambrai, c'était le 4 septembre 1970. Il existe encore aujourd'hui il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des caves. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus qui est Taïpé. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il aime les filles en nue. Il est né à San Francisco. Jésus, oui, Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Taïpé. Dans les parcs et le long des docks, un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour quelques vagabondages. Au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soignait les blessés. Jésus, ouais, Jésus-Christ, ouais, Jésus-Christ est Taïpé. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 32 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Jésus qui est Taïpé. Jésus, ouais, Jésus qui est Taïpé. Ouais. Ah, Jésus qui est Taïpé. Jésus qui est Taïpé. Jésus qui est Taïpé. Jésus qui est Taïpé. Jésus qui est Taïpé. Jésus qui est Taïpé. Jésus qui est Taïpé. arrivé maintenant au Québec. C'était le 3 décembre 1970 avec un extrait de l'album Vie qui est sorti là. Le remix 2022 est sorti le 28 janvier. Voici Deux amis pour un amour. Québec n'ont pas été retrouvés pour ce fameux livre-disque Vie. On retrouve Johnny à Fort Bacarès en 1969. Je cache à moi, pourtant tu es. Yeah. Maintenant la foire à la foire aux bestiaux à Lille, c'était le 5 mars 1970 avec Ce que l'amour a blessé. Retour à Cambrai à présent. Retour à Cambrai pour suivre ce concert, quelque sorte intégral de Cambrai sur les deux heures. Et ce titre de 1969, extrait de l'album Rivière ouvre ton lit, voici Regarde pour moi. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir, l'émission Johnny de A à Z. Et savourez ce petit concert de Cambrai, il est très très très bon. Oh, je vais mourir, au manteau. Je voudrais avoir rien qu'un ami pour lui dire ce soir, prête-moi tes yeux. Qui m'attend. garde pour moi. Oh, je vais dormir, oh bien mourir, mais je sens le froid. Je voudrais savoir, rien qu'un nom pour le dire ce soir, la chambre à ton cœur. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas écrit en blanc qui me crie pardon en pleurant. Regarde pour moi. Jamais, je ne recommencerai jamais. Oh! je ne recommencerai. Je ne recommencerai, non, jamais. Je vous propose à présent de suivre un peu notre pirate John Hayday à Bruxelles avec le titre « Essayez ». Nous n'aurons pas toujours écouté les titres version originale, non, ou version officielle on va dire, non. Quelques bons petits tipiaques comme on vous présente si souvent dans cette émission Johnny de A à Z. Essayez de vous aimer à votre tour de réussir tout ce que nous avons caché, avons raté. retourne du côté de Barbacarès en 1969, le 9 août exactement, avec deux titres, Jeune homme et Je n'ai pas voulu croire. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z, ici tous les mercredis de 22h à minuit. Jeune homme, tu parles comme un homme, à quoi que t'as vécu Je suis très. Je voudrais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Et j'aimerais bien deux minutes de silence. Tais-toi. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire quelque chose. Et j'ai besoin de silence pour ça. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Alors s'il te plaît, t'es très jolie, mais tais-toi deux minutes. Hein? J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, ce soir, j'étais très heureux de venir. Et malheureusement, cette joie est gâchée ce soir. Parce que ce matin, quand j'ai été à Rome pour tourner mon film, pour finir, j'ai ouvert la radio et j'ai appris la mort d'un de mes meilleurs amis. Et j'aimerais bien dire que... Enfin, il n'y a rien à dire. Mais je suis très triste et je crois que ça mérite du respect. Et je pense que tous les amis de Michel Cogoni pourront dire que nous sommes désespérés ce soir. Merci. C'est en 1968 que Johnny reprend dans son tour de chant en 1970. Voici J'ai peur, je t'aime, la version courte qui dure à peu près 3 minutes 30. C'est de Pauvre Caresse, qu'on a toujours en pirate, dure 8 minutes, plus de 8 minutes. Mmh. que tu ne viennes pas. J'ai peur de l'été quand les feuilles sont fanées. Je t'aime. J'ai peur du silence qui cache ton retour. J'ai peur d'attendre toujours. J'ai peur de l'automne quand il te ressemble. Je t'aime. Mais je ne veux rien croire. Je t'aime. J'ai peur de la pluie qui inonde la terre. J'ai peur aussi de vieillir. J'ai peur de l'hiver. Il te ressemble tant. Et moi qui résonne dans une autre maison. Ton cœur va souffrir, mais je ne veux rien croire. Je t'aime. tous. Non, tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Et ce soir, je veux toucher. Que la porte de nuit rivière contre à présent. C'était le 3 décembre 1970. On retrouve Johnny Hallyday interpréter un titre de l'album Vie. Voici La fille aux cheveux clairs. Oui, merci beaucoup. Avant de continuer à chanter, je voudrais vous dire que je suis très, très, très heureux d'être avec eux. Oui! silencieux ce soir. Thank you. 1970. Si je criais maintenant aujourd'hui, vous n'allez pas faire de montée, et que vous n'étiez pas mal d'agir, et je n'allais pas faire de montée. C'est un amour qui me fait mettre mal, mal, mal. Avec toujours mais ça fait mettre mal, mal, mal. Comme une main, je me suis mal, mal, mal. C'est un amour qui me fait mettre mal. Que ça me vire, mais j'ai mis en paix. Mais là, je suis la paix, comme un défi. Cet amour a tué ma vie. Et mon thème, je lui reviendrai. Quand le jour tient pas debout. Et puis je dors. C'est un amour qui me fait mettre trop mal, mal, mal. Après toujours, vous savez, mettre trop mal, mal, mal. Comme une belle maison, sur le j'ai mal, mal, mal. C'est un amour qui me fait mettre trop mal. Vous savez, vous savez, mettre trop mal. La nuit, je l'appelle. Elle était belle. Comme elle était belle. Comme elle était belle. Quand tes doigts n'osent pas, quand ta fille... te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh. Que je t'aime. Sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui m'a je... On retrouve à présent Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1969. Caché. C'était lors du Musicorama du 26 avril 1969 avec le titre Caché derrière mes poings. Mais c'est 120%. Assis au premier rang. Et 100 kilos tassés dans une tasse. Il a vu ma droite, il a jeté son cigare. Et dans ses yeux j'ai vu des balises de dollars. J'ai vu qu'il me fallait gagner ce soir. Caché, caché derrière mes poings. Et dans ces yeux j'ai vu un loup devenir chien. Et j'ai vu que j'allais gagner ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir on célèbre le Palais des Sports de Paris. Grand combat international de boxe, poids moyen, en 10 reprises de 3 minutes. À ma droite, directement venu d'Amérique, 71 kilos et candidat au titre de champion du monde, le bombardier noir de New York, Lester Wilson. À ma gauche, 72 kilos 500, l'actuel champion du monde du poids moyen, Johnny. Thank you. perdu. Québec à présent, toujours Johnny Hallyday qui est parti au Canada chanter là-bas pendant 4-5 jours, me semble. Et on retrouve un autre extrait de l'album Vie avec Rendez-moi le soleil. Il y a l'enfer entre la vie et la mort. Il y a la terre de la vie et de la nuit. Thank you. vais poursuivre ce fabuleux show, ce show hyper dynamique. Et c'est une très très belle trouvaille que nous a faite Universal de nous présenter ce Cambrai 1970. Voici à la suite Je te veux, je suis dans la rue et Voilà Shaking Going On. Vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit. je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire, car je suis né dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue. Ouais. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue. We'll be right back. je vous conseille d'acheter ce livre-disque Vie, rien que pour ce concert de Cambrai du 4 septembre 1970. Ce concert que je vous diffuse, que je vous ai diffusé tout au long de cette émission Johnny de A à Z Live 69-70. Je dois vous présenter maintenant les musiciens qui m'accompagnent et sont dirigés. Je pense que vous les connaissez déjà. Ce sont eux qui écrivent la plupart des morceaux que je vous chante sur disque et sur scène. Ils sont dirigés à la guitare par Mickey Joe. Ils sont également dirigés à la batterie par Tommy Brown. Oui. Est-ce que vous vous sentez bien maintenant? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous voulez vous sentir mieux? Est-ce que vous voulez vous sentir mieux? Alors il faut crier! Thank you.

s'achève cette émission spéciale live tournée 1969 et tournée 1970 avec l'intégralité de ce concert de Cambrai du 4 septembre 1970. Je vous le conseille, ce concert, je vous le conseille, c'est une bombe. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'IDN. À bientôt à toutes et à tous, bonne nuit, ciao ciao.